T'achètes et puis on se parle en Espagne. Des talons, un gros poulet, je parle en como esta. Chica, chica, vida, loca, chico, loco. A chica, chiquet, vendeur, taga, zippe, coco. J'kiffe, si t'es la plus bonne en shorty dentelle. Bitch, j'suis plus hardcore, champagne, pilon, pompette. J'pense pas aux gens, oh non, j'm'en tape. J'calcule plus rien, j'suis habat au max. Sourire d'une beurette, car on des boules de Paname. J'pense au bon charme, même quand sous le soleil j'me balade. Snapchat en direction du futur, y'a R. M kiffe car mes Louis Vuitton ont vu sur la mer. Ya, ya, ya, ya, ok mani. Ya, ya, ya, ya, ok la miss. Wesh ma go, wesh la plus belle hein. Wesh ma go, du Venezuela. Mec, on te sert combien tu veux. PNL, le caleçon plus la bleu. Today, ça sort, ça se tue les chais. Ok, ça se tue les chais. Mec, on te sert combien tu veux. PNL, le caleçon plus la bleu. Today, ça sort, ça se tue les chais. Ok. Ego, je suis cool pour tout te dire mieux que ça, je suis QLF. Ok, ça roule, le duo, donc si on laisse le kev dans le Z. Garay, j'emmène la misère en balade, Panam. 9-1, c'est la street qui canarde. Là, je vis la vie que j'aurais pas. Je la nique et je m'en sépare. Je récupère même ses bas juste avant mon départ. Ego, je vis en selfie avec la schneck d'un colis. Elle ne piche pas ma langue, se fiche que je sois impoli. Ego, on se casse. J'emmène en croisière la misère. Puis je prends de la distance avec mon hood. Plus ma Gucci, c'est dessert. Je suis dans mon film, dans mon game. Il y a la braguette open. J'ai bossé la rue toute l'année, le doigt en l'air, jour de paye. J'suis dans ma fonce. J'ai mon cash et mes Gucci, j'ai ma cons attitude gang. Belle inconnue qui veut la danse. Le regard noir, j'ai un bon teint dans mon V, belle demoiselle. Elle veut savoir qui j'suis, moi c'est N-O-S-U-P-N-L. Mec, on te sert combien tu veux. PNL, le caleçon plus la veut. Today, ça sort, ça se tue les chais. Ça se tue les chais. Mec, on te sert combien tu veux. PNL, le caleçon plus la veut.